remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il va faire dans ta vie et pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Remercie-le, pas tes propres mots. Seigneur, nous te remercions, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les hauts faits dans nos vies. Merci pour ta grandeur, merci pour tes bontés, tes faveurs. Merci pour toutes les choses, ô Dieu, que tu fais pour nous, et dans le visible et dans l'invisible. Ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais maintenant, et ce que tu feras encore pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, les mots ne suffiraient pas pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père. Merci ô Dieu de gloire. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Alléluia. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple du Seigneur. Daignez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur là qui était à l'honneur là. Viens. Donc je vais expliquer certaines choses. Donc, en le temps d'attendre que certaines viennent, il est 6h45. À moins peut-être que vous voulez. 6h30. Bon, c'est bien. Maman Véro a mis ça en avant parce qu'elle veut que les choses du Seigneur arrivent vite. Je vais prendre son cas. Premier, il faut qu'on reçoive beaucoup d'enseignements. Avec le Seigneur fait, ce que le Seigneur fait, il faut que... Veille t'asseoir, garçon. Assieds-toi. Assieds-toi, d'accord. Tes amis ne sont pas là. Il faut qu'on reçoive les enseignements. Il faut que vous receviez les enseignements. Il faut que vous receviez les enseignements derrière ces choses quand Dieu fait quelque chose au milieu de vous. Je sais que pour beaucoup, c'est que comment se fait-il que Dieu fait comme ça, il ne me touche pas. Dieu, il est souverain. Et il fait comme il veut. On ne sait pas comment il fait ces choses. C'est pour cela qu'il faut vraiment, toujours être prêt, toujours être aux aguets. Je veux dire quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû m'attirer depuis avec son sujet de prière. Je ne veux pas cela. Concentrons-nous sur le Seigneur. Vous me suivez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des choses, des attentes. Bon. Donc, je tente de lui dire que il y a des gens qui ont des situations que, dont Dieu veut régler. Et Dieu règle comme il veut. Vous avez vu ce qui s'est passé le 15 quand nous sommes réunis ici, quand nous parlions des péchés sexuels et autres là, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que Dieu a fait. Et vous avez remarqué comment le Saint-Esprit a fait. Je vous ai dit, restez tranquille que c'est lui qui fasse l'œuvre. Quand c'est lui qui fait l'œuvre, vous n'aurez pas de problème. C'est le défaut de ce que certaines personnes viennent. Certaines personnes font quand ils viennent voir ils disent qu'ils viennent consulter le serviteur du Seigneur. Quand vous allez vers un serviteur du Seigneur, si vous croyez que c'est le serviteur du Seigneur, si vous croyez ça, vous ne devez pas poser de questions. Vous n'allez pas expliquer des problèmes. Bon, si ce sont des prophètes, si vous rencontrez des prophètes, n'essayez pas d'expliquer les problèmes. Vous expliquez les problèmes, ça ne vous aidera pas. C'est l'une des choses que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire quelque chose. Je vous en ai dit, lorsque vous allez vers un prophète, si vous croyez que c'est un prophète de Dieu, ne posez pas de problème. Laissez Dieu agir. Parce que si vous posez le problème, il va devenir un conseiller humain. Vous suivez, n'est-ce pas? Il va devenir un conseiller humain. Alors, si vous voulez voir, si vous allez voir, donc, pour qu'on vous donne le conseil, dans ce cas, on n'a pas besoin de serviteurs de Dieu, vous pouvez voir n'importe qui. Il y a des conseillers matrimoniaux dans le monde. Il y a le conseiller, je ne sais pas comment vous appelez ça, les psychologues. Si vous avez un problème psychologique, vous allez voir vous pouvez envoyer les psychologues. Mais si vous allez voir consulter un serviteur du Seigneur, si c'est un serviteur du Seigneur, ça veut dire que vous venez pour suivre la vie du Seigneur. Donc, si vous allez pour voir un serviteur du Seigneur de la bonne manière, comme la Bible le dit, vous allez le voir rester vraiment tranquille. Ça, c'est l'une des choses que les chrétiens de notre époque ne connaissent pas. En fait, parce que quand on était dans le monde, on a l'habitude d'aller chez le marabout, on explique les problèmes. Là, c'est tout évident qu'il va vous donner les solutions par rapport au problème que vous lui avez expliqué. Mais de s'asseoir et attendre que le Saint-Esprit entre en action, prendre les événements qui te concernent pour parler. Lorsqu'il commence à entrer en action comme ça, il y a la solution. Donc, lorsqu'on n'a pas compris ces choses-ci, on va murmurer ou bien dire, quand Dieu n'a pas encore agi, ce n'est pas qu'il ne veut pas agir, c'est qu'il y a un temps, il y a quelque chose qui est en attente, comme celle-ci. Je vous ai dit que je l'ai vu dans une vision, c'est la 3 ou 4 semaines. Il venait ici, il voulait voir si c'est le moment. Si c'est le moment, j'ai remarqué que les conditions n'étaient pas réunies, que ce n'était pas le moment. Parce qu'il voulait voir que la chose est accomplie. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a fait. Quand il me suis tourné, il lui dit, n'est-ce pas le moment maintenant? Pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, il l'a saisi. Si j'allais vers elle, n'est-ce pas le Saint-Esprit l'a saisi? Parce que c'est son moment. Or, cette sœur qui se tient devant nous est censée voir cela dans la vision. Là, voici, se tient devant nous. Fais-le d'arrêter les enfants, que les enfants ne parlent pas. Ça va, ma soeur, tu es content, n'est-ce pas? Hein? Quand il dit, il dit que tu es censé voir cela dans la vision, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quelque chose? Tu as vu comment ça s'est passé? Raconte-la à tes frères. C'était je me souviens, le vendredi, petit matin, 1h30 environ. Je suis venue expliquer ça à maman. Parce que dans le son, j'ai vu comment deux personnes, je ne connaissais pas, m'arrêtaient comme les policiers avec les bandits. Donc, par la tête comme ça, hein, me soulevaient, m'amenaient devant le frère. Elles m'ont amené devant le frère. Le frère a commencé à parler quelque chose en langue. Donc j'étais dans une langue que tu n'entends pas. Oui, que je ne comprenais pas. Oui. Et la personne. Attends, je vais te poser la question. Ici, c'est. Ouh, c'est parce que je n'ai pas ma Bible. C'est la Bible pratique ici. C'est ici ce qu'on va faire là maintenant. C'est la Bible pratique. Je veux que l'esprit dise des choses et puis vous expliquer certaines choses, d'accord? Allons-y. Donc, dans le songe, tu vois deux personnes qui t'ont saisi, un peu comme on arrête les gens pour amener vers un chef. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Et dans ce songe-là, tu vois que c'est comme si j'ai dédoublé, comme si monsieur est en train de m'adresser à une autre personne, mais tu sais que c'est à toi, et c'est toujours même toi là-bas. Oui. Allons-y. Et il parlait donc en une langue. Oui. Moi, je ne comprenais pas, mais apparemment, la personne qui était à moi comprenait et lui répondait. Il causait les mêmes langues. Moi, dans l'oreille, moi, je me disais, mais je ne dois pas parler les langues là parce que je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi est-ce que mon corps doit parler de ça? Mais oui. J'étais toujours en sommeil. Oui. Donc, c'est comme si je voulais refuser. Mais ce qui m'a encore surpris, c'est que quand je me regarde moi maintenant, je vois plutôt le lion. Oui. Ça m'a surpris. Dit que, mais est-ce que moi, je suis le lion? Je vois dans le rêve le lion qui agissait, mais qui était moi au même moment. Et qui faisait exactement comme le lion, qui bougeait comme le lion, avec les ongles et tout. Après que le frère m'a donc appris, je ne sais pas comment il a fait, mais après, je me suis sentie directement qu'il a... Il a prié, bon, la personne m'a dit. Comment tu fais? Vous avez prié? Non, parce que j'ai vu des choses, les mains, et puis j'ai commencé à lancer, oui, les mains, et puis j'étais libérée dans l'oreille. Après, tu as parlé quelque chose, toujours la même langue. Et c'est le frère de l'ancien maintenant que je vois dans son jeu. Je lui demande, mais le frère dit quoi? Il dit que c'est le temps de la prière. Vous avez suivi, n'est-ce pas, frère? Maintenant, tu poses une question. À cet instant, quand il me suis tourné, le Saint-Esprit a dit, c'est le moment maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé subitement? À l'instant, la voix a parlé que, n'est-ce pas le moment maintenant, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais que mon cœur a commencé d'abord par la palpitation. Mon cœur battait tellement fort que je ne savais pas pourquoi mon cœur battait fort. Qu'est-ce qui t'a projeté donc? Qu'est-ce qui t'a saisi? Oui. Ça t'a entraîné derrière? Oui. Voilà. Et quand la main s'est levée, allait vers toi, qu'est-ce que ça t'a projeté? Oui. Va t'asseoir, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Et quand tu étais au sol là-bas, immobilisé, pourquoi tu ne pouvais pas te lever alors? Je ne sais pas, quelque chose m'a arrêté au sol. Voilà. Vous êtes dingue à soi. Il dit, c'est le christianisme pratique. Ça, c'est la pratique. Je vous ai toujours dit ici que lorsque Dieu envoie quelqu'un, il a les armes offensives et défensives. Et vous, les conducteurs, vous les avez. Vous, les conducteurs, vous tous là, il vous le dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous les avez. Je vais vous dire quelque chose, vous les conducteurs. Permettez-moi de dire quelque chose, conducteur. J'étais en train d'écouter hier ou avant-hier, j'écoutais encore l'enseignement le jour où on était à la maison pour prier pour le conducteur. J'ai écouté quelque chose, j'ai dit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit ici? Frère, faites attention. Faites attention. J'ai dit, j'étais en train d'écouter le message au conducteur. Je ne sais pas si vous avez cela. J'ai entendu un endroit où le Saint-Esprit a dit, vos noms ne sont pas écrits dans le livre des vies pour rien. Maintenant que vous savez que vos noms sont écrits, j'ai dit, waouh. Faites attention, vous les conducteurs. Vous avez les armes offensives et défensives. Vous les conducteurs, ferez mieux d'écouter encore les recommandations qui ont été données là-bas. J'ai dit, waouh, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Vous les conducteurs, vous avez le compte à rendre à Dieu en voyant ces choses-là. Donc, vous avez les armes offensives et défensives. Et donc là, je suis en dire que ça, c'est quelque chose de merveilleux que se tient devant de nous. Alors, du fait que le Saint-Esprit entre au milieu pour montrer que voici le véritable péché de ce siècle qui arrête ce siècle-ci. Et qu'on l'admette ou non, ça va faire tâche dans le corps de Christ parce que c'est ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi parle le Seigneur. Il y a des gens qui vont écouter cet enseignement-là. À l'issue d'écoute l'enseignement, l'Esprit qui est en eux va sortir. C'est ce que le Seigneur a prévu. C'est-à-dire que qui vont seulement écouter l'enseignement, ils seront libres. D'autres vont écouter dans le son, ils vont voir comment le Seigneur va venir ordonner sa tête. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui en ont souffert. Beaucoup de personnes en ont souffert de cette chose-ci. Beaucoup de personnes sont tenues. C'est un peu comme si beaucoup ont essayé de leur propre force, ça se sont découragés. Mais Dieu a dit c'est le moment, parce que c'est le moment où il va nettoyer l'église au point où il n'y aura pas de tâches. Voici l'une des choses dont ce péché, dont on est en train de parler, c'est ça qui fait la tâche au point où, même si tu évolues n'importe comment avec Dieu, si Satan t'a tenu, oublie l'affaire. Il faut en être délivré. Donc voici donc la pratique ici. Alors, donc, ça pose donc le problème. Lorsque nous assoyons ici, comme ça, vous mangez la bouillie, vous lisez la Bible, vous priez, vous pensez que qui d'autre peut se retrouver au milieu de nous? Qui vraiment peut se retrouver au milieu de nous? Et donc, ça commence à nous poser des problèmes au niveau de notre série avec le Seigneur. Lorsque nous sommes en assemblée, nous sommes réunis comme ça. Parce qu'il avait promis, je ne sais pas si vous lisez les Écritures, c'est ici. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il faut qu'on fasse attention. À tout moment, si vous êtes chrétien, vous asseyez deux, vous commencez à parler de la part du Seigneur, faites attention. Allez, cet instant-là, faites attention à ça. À tout moment, n'importe quoi peut se passer. Ce n'est pas seulement ici. Il a dit, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au haut, à tout moment, il peut être là. Il peut se manifester pour que vous sachiez qu'il est présent. Alors, cette manifestation, ces choses qui sont passées lors de ces enseignements-là, c'est pour vous montrer quelque chose, ce qu'il est sur le point de faire. Donc, faisons attention. Son cas est précis parce que c'est quelque chose que Dieu a montré dans les deux endroits. Elle connaît. Mais il y a certaines choses dans cela que je ne suis pas obligé de vous dire. Vous devez vivre cela. Le Seigneur veut travailler. C'est nous qui causons problème maintenant. Il veut travailler avec nous. Ceux qui vont vouloir travailler, enfin, on n'a pas le choix. Il va nettoyer son nez. Vous ratez ceci, je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Vous ratez cette séance, cette chose-là, ce vent qui en a de souffler. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas. Ce qui arrive là, on appelle ça la puissance de la résurrection. Ce qui arrive là. Ouais, pourquoi quand on travaille, on s'est dit éteignez les téléphones que rien ne perturbe. Suivez les enfants que rien ne se passe parce qu'à tout moment, il peut être là. Vous, les conducteurs là, soyez juste son tabernacle, abandonnez-vous tout simplement à lui. Tu dois avoir des problèmes et tu dois savoir que tu as des problèmes. C'est ça, ma chère. Hein? Ou bien, je ne parle pas. Hein? Ça va d'abord, d'accord. L'enfant va bien. Non, vous avez des problèmes. Bienvenue. Il faut qu'on fasse attention lorsqu'on est là. Et qu'on sache qu'on n'est pas en train de regarder à un homme. C'est lui que vous invoquez. Si c'est lui que vous invoquez, sachez qu'il est là. Même si vous n'arrivez pas à croire dans votre cœur qu'il est là, sachez tout simplement qu'il est là parce que c'est lui qui a promis. Il n'a pas promis que par votre foi, il sera là. Il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il n'a pas dit que ça dépend de votre foi. Il a donné de l'information que lorsque vous rassemblez en son nom, sachez qu'il est au milieu. On doit savoir cela. Et par conséquent, on doit prendre les mesures pour honorer le nom du grand roi dont il est. Si nous pouvons respecter les chefs mondains, nos patrons de notre travail, nos petites réunions où si on fait quelque chose de mauvais pendant la réunion, on va nous punir, on va nous sanctionner. À combien plus forte raison notre grand Dieu est sauvé Jésus-Christ. Comprenez, frère? Ça, on appelle ça la puissance de la résurrection. Lorsqu'il se commence à se manifester, lorsqu'il commence ou bien vous appelez ça dans la Bible l'ombre, ou vous appelez ça vertu. C'est quand on touche le Seigneur, j'ai la vertu qui sort. C'est ça dont il est question. Alors quand il commence à se manifester, il n'y a pas de distance. Quand il commence à se manifester, vous avez remarqué qu'il ne l'est pas touché, pas vrai? À l'instant où la parole est sortie pour avaler, ça l'a saisi là-bas. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Et ça l'a entraîné là-bas. S'il fallait qu'il fasse 3 ans ici, là, elle devait rester là comme ça jusqu'à ce que... vous avez vu tous ceux qui sont allés là-bas pour aller... Vous avez commandé. Même ses auteurs ont bougé. C'est comme ça. Enchaîné. Dans ses pensées, même pensées humaines, elle peut vouloir s'élever, mais quelque chose à l'intérieur d'autres fait. Parce que c'est cette chose-là qui est le problème. C'est pas que c'est elle qu'on enchaîne, parce qu'on ne peut pas voir la chaîne. C'est cette chose-là en elle qui est enchaînée. Pour que ça ne nous empêche pas d'agir. Alors, il était en train de dire que quand vous venez voir, si vous considérez que quelqu'un est un prophète, pourquoi par exemple le frère Bobda, vous allez voir le prophète, vous dites, même voir le prophète Donatien. Allez chez lui. Restez calme. Dites que, prophète, je suis venu entendre la voix de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. N'allez pas dire que j'ai telle situation, je dors comme ça. Laissez Dieu dire ce qui est le problème. Vous pouvez venir, vous dites que j'ai le problème, j'ai pris, ça ne marche pas, ce n'est pas le problème. Et puis vous voyez, le Saint-Esprit doit être quelque chose que vous ne pouvez même pas penser que c'est ça. Parce que dans notre pensée, si vous avez la conception de votre problème, normalement vous devez trouver la solution. Quel est le problème? Mais quand vous venez, soyez-en prêts à suivre les choses qui se passeront. La sœur, là, tu l'as eu finalement, tu l'as eu au téléphone. Elle t'a expliqué ce qui s'est passé. Elle a dit quoi? Ok, on va t'expliquer. Donc c'est celle-là, elle est venue avec une autre sœur qui venait de la France. Ils sont venus à la maison comme ça. Au moins celle-là, je ne sais pas si la sœur s'est la briefée. Peut-être la sœur s'est la briefée. Que quand tu vas aller là-bas, ne dis rien. Tu lui avais dit que quand tu arrives là-bas, ne dis rien. Non, je lui ai seulement dit qu'est-ce que le Seigneur. Elle est assise là. Elle fait des choses quand je remarque qu'il y a quelque chose. Mais comme tu savais, la dernière chose qu'il lui a dit, tu savais cela. Ok. Comment? Tu lui as dit ça, hein? Alors il faut s'asseoir là, attendre que Dieu parle. Et la personne sait effectivement que la personne doit savoir que ici c'est la voix de Dieu. Mais souvenez-vous, comme je lui ai dit dans son cas. Avant de venir consulter la voix de Dieu, je dis toujours aux gens, est-ce que tu es prêt? Et c'est ce qu'il y a pris au moins 25 minutes pour lui expliquer, parce qu'il savait que c'était délicat ce qu'il veut lui dire. Et celle qui l'a amené, la soeur qui l'a amené, elle est assise comme ça, là, sur la chaise. Vous voyez, son expérience, c'est comme, comment pour la femme s'y sort comme ça, alors qu'elle vient de loin, 6000 km, moi qui suis à côté de frère Junior, il faut que Dieu me donne même un peu. J'aimerais bien que si ça dépendait de moi, il devait faire n'importe quoi pour nous. N'importe quoi. Mais quand il veut, il fait. On est assise là, elle est assise là. Mais elle, certainement, elle connaît ses problèmes. Parce qu'elle parle, il voit comment elle bouge la tête. Ah, même toi, tu connais ça. Oui. Alors, celle-là rentre avec sa solution. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois. Pas les nouveaux. Parce qu'en réalité, vous êtes à la source d'eau. Vous avez vu quelqu'un qui boit, qui vend l'eau là-bas, elle passe tout à boire l'eau. Hein? Vous avez, les gens qui vendent l'eau à la source là, vous avez vu chaque fois, ils boivent l'eau. C'est des gens qui sortent toujours de l'eau pour dire, pardon, donne-moi un peu d'eau, non? C'est pas ça, frère. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin en réalité. C'est ça, non? Attendez, c'est ça, non? Elle dit que frère Junior était toujours d'accord avec toi, mais l'autre là, je ne suis pas d'accord. Et elle a été libérée. Et c'est l'une des choses les plus merveilleuses, c'est qu'elle est venue à la maison. Je lui ai dit, va donc à Bossam, viens trouver deux jours, tu viens à la maison. Elle est venue à la maison. Voici le frère Alphonse, le frère Henri de Bafoussa. Ce sont eux qui l'ont délivré. Vous savez, quelqu'un marche comme ça, il ne sait pas qu'il porte des choses à l'intérieur de la personne. Des esprits. Il lui dit, ok, elle vient à la maison. Vous savez, quand les gens ont des esprits pentecôtistes là, elle vient, ouais. S'il te plaît, donne-moi le programme. Quel est le programme? Moi, le programme. J'ai le programme. Je dis que le programme, c'est que reste à la maison pour qu'on entende en face que ça va se passer. Bon, c'est parce que je voulais le programme pour appeler. Il dit, moi, je ne sais pas. Il sait. Moi, je n'ai pas le crédit pour appeler Dieu, maintenant pour lui demander quel est son programme. Je n'ai pas le crédit pour appeler Dieu pour savoir quel est le programme. Il reste là jusqu'à ce qu'il donne la direction. Vous voyez cela? Elle est restée là. Elle tourne, elle vient me voir chaque fois. Je suis en train de faire mes choses. Elle me regarde toujours pour dire quel est le programme, quel est le programme. Et quand le programme est venu, il dit, d'ici demain midi, tu seras libre. C'est ça, frère? Exactement. À 11h53, elle était libre. C'est pas la seule que M. Lafrenière dit, mais il a été dit hier que demain, avant midi, tu seras libre. Ce sont eux qui ont prié. Le frère, c'est quoi? Toi, tu es venu à la maison. Tu entends comment il criait dans le salon là-bas. Pendant qu'il m'entretenait avec ce frère-ci, celui-ci, il est venu à la maison. On était là en train de causer. Pendant que ceci, celui-là, et le frère, j'ai prié pour cette femme-là. Quand je suis entré au salon, quand elle s'est levée, on était libre, j'ai regardé l'heure, il était 11h57. Alors, c'est le programme de Dieu, ça. Ça, c'est le programme de Dieu. Alors maintenant, j'imagine que si elle voit, si on fait la vidéo, elle voit la vidéo, elle ne doit pas savoir qui parlait là-bas. Bon, maintenant, quand vous l'interrogez, comment tu vas en France? Oui, je suis conducteur, j'ai mon ministère. C'est quoi? Elle a le ministère. Elle a son ministère, elle s'occupe des gens. Je suis intercesseuse. Pour être chrétien dans ce siècle de perversité, cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Ou bien vous vous trompez. Mais si vous vous trompez, ou bien vous voulez vous tromper, vous faites comme s'il n'y avait pas de problème. Tôt ou tard, vous voulez avancer vraiment bien avec Dieu. Dieu va te dire que normalement, il te faut la délivrance. Cherchez la délivrance parce que vous savez que vous êtes libre. Il faut que vous sachiez cela. Et c'est le moment, je vous le dis, c'est le moment où l'église des cieux du Cameroun va s'ouvrir. C'est le moment, c'est ce que vous voyez, c'est les signes que Dieu est sur le point d'agir. Il veut nettoyer son peuple. Soyez seulement sérieux avec le sol. Soyez seulement sérieux et déterminé à aller de l'avant. Ne permettez pas seulement qu'il n'y ait pas quoi que ce soit de faux. Ne permettez pas qu'il y ait quelque chose de faux en vous. Soyez sincère et droit avec le Seigneur. Quand ça ne va pas, mettez-vous à genoux. Dites au Seigneur, Seigneur, ça ne va pas. Dites-le. Quoi que, enlève ce qui est sur la tête de ton frère, l'insecte là. Dites au Seigneur que ça ne va pas. Je vous pose une question, c'est vous avez vu tout ce que nous avons fait ces jours-là. Prenez une dénomination de 30 000 membres et posez-vous la question. L'homme avec qui cette femme-là, c'est un homme marié et c'est un pasteur. C'est elle dit que tu dois couper cette relation. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors Dieu veut faire une œuvre inouïe sur la terre où on va savoir que cette génération va connaître le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'essayez pas de croire que tu vas voyager, aller au Nigeria, rentrer avec la puissance. Si tu pars au Nigeria, tu rentres avec la puissance, ça veut dire que c'est une puissance qui est corrompue. C'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne se donne pas comme ça. Non. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Si vous allez au Bénin, vous rentrez, désormais vous commencez à faire les miracles. Ce n'est pas sérieux. Parce que Dieu nettoie, sanctifie et puis scelle et envoie. C'est le modèle de la Bible là-bas. Puis tu travailles pour que tu sois indéfectible. Vous me suivez? Donc restons devant le Seigneur. Demandons au Seigneur, Seigneur, sanctifie mon âme, sanctifie mon être. Et s'il y a n'importe quoi de faux en moi, enlève tout ce qu'il y a de faux. Disons-le lui. Passez le temps de la prière. Vous n'êtes pas deux sur ressources. C'est ce qu'il a dit dans la Bible que c'est la voie pour notre époque. Il a dit, aide donc du zèle et répands-toi car je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si Dieu nous dénonce nos œuvres, c'est pour qu'on change. Et on a besoin de repentance. Ne dis pas que j'ai dit que hey, c'est fini. Faites attention. Il faut que votre âme sache qu'il y a quelque chose qui a changé. Si vous êtes libre, vous devez savoir que vous êtes libre. Je suis en train de prier seulement si Dieu peut nous donner un jour, on va en découdre encore avec ces choses-là. Que toutes ces choses s'acquittent. On commence là maintenant, ça va. Quand vous allez sortir ici, c'est maman Véro qui aura le problème ici. Vous serez chez vous en train de dormir tranquillement. Donc vous le conduisez, sachez que vous avez l'accès à l'autorité qui est dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu voulant, et quoi, à la fin de ce jour, bien en septembre ou en octobre, Dieu, comme il le disait, vous et moi, on va travailler seulement en secret sur l'emploi du nom de Jésus. Le secret qui est dans son autorité, dans le nom là. Le secret qui est dans son nom. Comment prier en esprit? Il dit bien prier en esprit. C'est pas ça dont je suis en train de parler. Il dit prier en esprit. Lève-toi à l'homme maintenant. Tu veux qu'il parle à l'homme maintenant? Je dis que je ne veux pas. Je veux pas que tu pries. Bon, je dis que toi, il ne voudrait pas que. Il ne veut pas les prier dans le cœur. Il veut prier dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Qu'est-ce que tu veux que je dise quoi là? Depuis que je suis entré ici, c'est elle est en train de m'arracher. C'est elle qui est en train de me tirer depuis. C'est elle qui est en train de me tirer. Dans la, elle me tire. C'est elle. Il parlait depuis. Il dit ah, c'est qui ici? C'est qui ici? Il dit c'est elle. Oui, vas-y alors, tu veux quoi? Tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Elle est assise là comme ça, là, il sent que c'est toujours elle qui est attire, c'est elle qui est attire. Ah, Véro, tu es fort, tu es encore fort, donc tu peux la soutenir, pas vrai? Avance ici, avance, reste là. Il y a des confessions que tu dois faire. Il y a des confessions que tu dois faire. D'accord? Va dehors avec cette dame-ci et cette autre-là. Tu les parles là-bas, d'accord? Parle-toi et puis tu viens te tenir exactement cet endroit-là. Tu dois leur dire. Il y a des choses que tu dois leur dire. Vas-y. Et puis tu reviens. Que rien ne crée obstacle. Il y a quelque chose qui est devant toi qui bloque cela. Il a prié, frère. Il a prié et prié. Il dit, c'est même parce que je vous avais, il y avait déjà dit ici qu'il veut se manger. Il ne veut même pas prier. C'est même parce qu'il m'a fait revenir encore là-dessus là maintenant. Son style de prier, qu'elle priait, c'est la prière de Anne. Et elle s'appelle comment? Quoi, c'est l'esprit Anne qui est venu sur elle là? C'est le frère Bob qui a prié sur Anne ici là. Quoi, c'est le frère Bob qui a. Ça va? Viens, tu veux? Il va partir. Vous avez vu, non? Tu as affaire. Oui, justement, je suis le frère Henri Jasseman à 17 ans. Tu veux parler aussi? Tu veux parler au frère? Oui. Mais tu as honte? Non, je n'ai pas honte. Viens alors, c'est pas honte. Viens, parle alors ici. Oui, je suis le frère Henri Jasseman à 17 ans. Je suis de l'Est et du Sud à Bamba. Alors, je travaille à la direction générale des sources du pays qui fabrique du paiement. Bon, naturellement, le samedi, on travaille jusqu'à 14h. Et je suis sorti. Je suis allé à Bonassama parce que j'habite à Bonando. Mais je voulais déjà avoir une chambre à Bonassama. À la sortie, donc, j'ai donc pris un taxi. Une moto où j'ai vu où la moto était portée la soeur. En traversant dans le pont, on a eu à échanger. Oui. Tu t'es aussi jeté dans l'eau comme ça que tu viens aussi là. Elle m'a dit de l'accompagner dans une famille. J'ai demandé si elle a une famille ici. Elle m'a dit que non, non seulement. Mais tu n'as pas eu peur, il s'adore là qu'elle peut te vendre, mon frère. Mais non, le problème c'est que c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit que. Donc, toi, tu parles comme ça, tu n'as pas peur. Je lui ai dit que bon, je suis enseignant de formation, j'ai fait la psychologie. Il suffit seulement de partager. Je sais quand même. Bon, psychologiquement, c'est qui ici là? Regarde-moi. Psychologiquement, hein. Tu vois tout. Non. Bon, moi, je parlerais simplement et scientifiquement. Bref, ce n'était pas une personne dangereuse. Oui. Après, je lui ai demandé pour combien de temps. Elle m'a dit que bref, ça dépendra. Alors, c'est comme ça. Et lorsque nous avons pris les escaliers, c'est là où j'ai su que... C'était la prière. C'était la prière. vraiment, je... Et comment tu étais psychologiquement quand tu as su que c'était la prière? Non, bon, moi, ça m'a plu. Pourquoi? Parce que c'est très rare de croiser une personne avec qui vous ne vous connaissez pas. Et cette personne, surtout une fille, n'est-ce pas, au lieu de t'amener à la boulangerie ou alors elle t'amène plutôt à la prière. Donc tu veux dire par là qu'elle t'a offert le meilleur cadeau? Vraiment, je voulais d'abord remercier Dieu et puis remercier. Comment ça s'appelle déjà, moi? Paul Imelda. Oui. Donc, on aura suffisamment de temps. Je vais prendre ce numéro. On aura suffisamment de temps. C'est parce qu'il y a une petite sœur qui vient d'avant-bas que je dois récupérer à la douche. À la Phoenix. Donc, voilà, c'est elle qui me dérange au téléphone. Ok. Donc, c'est à quel point ça t'accompagne. Comment, merci, cher? Bonne soirée. Donc la sœur Paul, on est d'amener quelqu'un à la boulangerie, il prend quelqu'un en route comme ça sur la moto, il ramène qu'à la prière. Amen. Donc c'est le frère Donatien qui a allumé la prière de Anne dans le cœur de Anne. Elle est restée là, tout ce qu'il bavardait là. Quand il bavardait là, elle bombardait seulement, il ne fallait que bombarder. Il dit, je suis allé vous parler, il dit, mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose là. Mais elle est conjointe seulement, elle ne sait pas conjointe, elle continue. Vous savez ce qui se passe? Comme Anne, voici ce qui se passe en français, comme Anne, Seigneur, je ne veux pas sortir ici aujourd'hui, que je ne sois pas libre. C'est pour ça qu'il disait qu'il y a prière et prière. Il a prié, c'est ce qu'elle a fait comme prier là-bas. Dans son cœur, c'est comme ça. Elle dit qu'elle ne veut pas franchir ses portes, elle ne veut pas sortir aujourd'hui sans être libre. Comment le Seigneur ne veut pas la libérer? Donc n'essayez pas de penser maintenant que moi, si vous, ça ne peut pas venir comme ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas comme ça. L'autre là, c'est l'imitation. L'autre là, c'est l'imitation. Quand c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est ça. Vous essayez de fermer vos yeux maintenant que vous dites, il faut que je pense aussi que ça vient. Ça, c'est votre pensée. Il faut que ça soit comme ça, comme là-bas. Et d'abord, dit ici là que je ne veux pas cette chose de prier, vous faites comme ça là. Et sentez que c'est force. Et là, ça m'a augmenté encore d'intensité dedans. Voulons-nous être libres? Voulons-nous servir le Seigneur totalement? Dehors là, vous m'entendez? Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. S'il y a un temps où il se fait bon de servir Dieu, il sait que c'est le moment qui est en train d'arriver. Regardez bien comment le péché nous a malmenés. Il y a un temps, vous savez, quand vous allez vous planter les choses, ça ne pousse pas. Quand le moment de la récolte, on fait les récoltes en faisant. Remarquez bien les fonctionnaires. Quand vous voyez les fonctionnaires, quand ils travaillent les 15, les 16, ils rentrent à la maison toujours nerveux. Chacun attache le visage. Vers le 22, 23, 24. Quand vous venez à la maison, vous savez qu'il y a le salaire. C'est pas ça, frère? Le menu a changé. Papa accueille bien les gens. Maman sifflote en allant demander. En allant faire quelque chose. Tu entends, chérie? Tu disais qu'il fasse quoi déjà? Parce que le salaire est tombé. Vous pouvez savoir cela. Alors, je suis en train de dire qu'il y a quelque chose en train d'arriver, sur le point d'arriver. Je ne sais pas comment tu fais cette chose-là. Mais c'est quelque chose qui va témoigner à notre génération que le Seigneur Jésus est vivant. Amen. On a trop challengé son nom sur la terre. C'est-à-dire que même dans des débats, on a cru gagner le nom de Jésus. On a cru entrer son nom, rouler son nom dans le ciment, dans le sable, dans le ciment. Le moment va venir où pour que quelqu'un dise que Jésus-Christ, il va réfléchir par deux fois. C'est ce nom-là. Ce nom. Dieu va redonner la valeur à son nom. Je vous le dis. Il peut parler, peut-être il peut m'enlever sur la terre avant que ceci n'arrive. Mais sur la terre, vous saurez que Jésus-Christ est Seigneur. Ce nom qu'on a brûlé dans la poussière en faisant n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il a dit qu'il bâtira son église et le porte de ce jour de mon éprouveront point. Mais ce que nous voyons depuis les années, c'est comme si le Seigneur des morts a prévalu, pas vrai? Ce n'est qu'une stratégie pour retourner au combat. Donc ça va barder sur la terre. Grande sera ma joie pour voir si parmi nous, nous faisons partie de ceux dont là, les artisans que le Seigneur utilise pour manifester son nom. Vous voulez être de ces gens-là? Vous savez que vous avez été désigné comme ça dès la fondation du monde? Mettez donc les petits plats dans les grands pour que ça s'accomplisse de la bonne façon. Les soupirs que vous avez à l'intérieur de vous ne viennent pas de vous. Les soupirs que vous avez à l'intérieur de vous, que vous souhaitez voir la gloire de Dieu là, ça ne vient pas de vous. C'est du profondeur des cieux que ça vient. Dieu crée la soif dans le cœur pour le pousser à rechercher. Pendant que vous le recherchez, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle quels sont les obstacles à cette soif là. Parce qu'il a dit que celui qui a soif vienne et boive. C'est ce qu'il a dit. La soif, c'est toi qui crée la soif dans ton cœur. C'est vous qui créez la soif. Non, ça vient de lui. C'est cette profondeur-là qui va appeler davantage à lui. Appeler davantage à lui. Quand il va se manifester, vous allez savoir tout simplement que vous êtes arrivé à l'endroit où on appelle le repos. Il faut que cette jeune fille-là vienne. Les conducteurs, vous êtes prêts? Vous allez donc savoir qu'il y a l'autorité. Je crois que c'est la personne qui a créé la soif-là, avec le âne-là, qui est censé avancer. C'est pas ça, mon cher. Donc il y a un sujet qui est en train de me venir à l'esprit. J'aurais souhaité parler de ce sujet-là. Mais je vais donner les explications, tout simplement donner les versets bibliques, comme on m'a prévu de la Bible aujourd'hui. Mais ma Bible est ici. Donc on va donner les recommandations par cela, par rapport à cela. Si vous n'avez pas encore eu ce que vous voulez du Seigneur, patientez. Si vous n'avez pas encore eu ce que vous voulez, remarquez toutes les corrections qu'il amène ici. La prière fervente jusqu'à ce qu'il en ait. Le standard peut être enlevé. Avez-vous le Saint-Esprit habitant en vous? Restez ici. Pardonnez. Et chaque fois, vous voyez effectivement que vous aviez des problèmes, pas vrai? Il faut seulement remercier le Seigneur. Parce qu'il a envie de travailler, profiner. Il a fermé son œuvre. Donc, quand vous êtes rentré le 15 août, la soirée, vous avez bien dormi, pas vrai? C'était comment? C'est bien. Il y a d'autres qui regardent comme ça, ils ont peur de revenir. Ils disent, comment on peut aller, on dévoile les vies des gens comme ça, ils n'aimeraient pas qu'on vienne, on dévoile les vies. Ils préfèrent aller dans l'église, ils appellent ça l'église formaliste, où on s'assoit tranquillement. Personne ne connaît personne. Je veux que Dieu me connaisse. Moi, je veux qu'il me connaisse, qu'il connaisse mes voix. Il sait exactement comment j'ai chuté, comment je les lui ai présenté. Il sait exactement toutes les voies où j'ai marché. Quand je me couche, quand je m'endors, quand je me réveille, les méditations de mon cœur, il les connaît. Ça, enfin, même si vous ne dites pas qu'il connaît, il connaît quand même. Même s'il ne parle pas, il connaît. On s'en sert à rien de cacher. Quand vous les lui avez déjà présenté, restez tranquille et attendez. Vous êtes sincère, il résoudra tous les problèmes. Il n'y a aucune prière, aucune requête qui lui est présentée, qui ne sera pas répondue. Toutes les requêtes seront répondues. Même s'il y a accumulation de dossiers. Il y a des moments où Dieu va répondre aux prières, au point où tu ne sais même pas que ça c'est la prière que tu avais faite. Tiens-toi debout. Non, t'es... Qu'est-ce qu'il peut en faire? Est-ce que c'est pourquoi tu peux pleurer? Les larmes sont à l'intérieur maintenant. D'accord? Va les rencontrer Dieu aussi. Quand elle va finir, tu parles. D'accord? Et les deux femmes là, ils rencontrent. Quand celle-là va entrer, tu parles avec elle. Toi également aussi. C'est Dieu faisant. N'aie pas peur, d'accord? D'accord? N'aie pas peur. Tu as peur de moi? Lève-toi alors. Tu es sûr que tu n'as pas peur? Hein? Je parle alors. Je dis ça, je dis au milieu, ici au milieu. Assieds-toi alors, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore fait ici là? Tu as tout dit? Comment tu te sens maintenant? Viens, frère. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as dit que Anne a prié qu'elle est restée longtemps. Avance-toi vers elle. Tant, ne la touche pas. Tu vas savoir que ce que je t'en ai dit là, dans vos cœurs, ça se trouve. Tends juste la main sur elle. Et laisse Dieu la porter sur elle. On finit la prière. Quelqu'un vient me trouver ici. C'est fort sur toi maintenant. Lève-toi. Tends la main. C'est bon, là. Ça a pris ton frère. C'est sur celui-ci aussi. Vous allez faire comment là? Vous pouvez pas échapper. Vous allez dire, laisse-moi. Je veux que tu m'utilises. Je veux confirmer. Je n'ai plus dans l'œuvre. Voulons-nous servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Vous devrez être libre. Vous devrez être libre pour le servir. Vous n'êtes pas libre, vous ne servirez pas. À coup sûr, je vous le dis. Vous servez le Seigneur Jésus, vous devrez être libre. Vous n'êtes pas libre, vous ne servirez pas du tout. Vous devrez être libre. Voilà, frère de l'ancien, c'est toi. C'est toi, mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé même dans ton cœur, même quand tu étais assise là-bas? Tu ne voulais pas nous laisser tranquille. Tu ne voulais plus. Luc chapitre 24. Vous devrez être libre. Vous devez être libre. Vous devez être libre pour pouvoir le servir. Vous devez être libre. Si vous n'êtes pas libre, vous ne le servirez pas. Dans Luc chapitre 24, prenons le verset 45, on finit jusqu'au 50. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez... Non. Et voici, j'enverrai. C'est pas le problème. Sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, oui, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu vois donc le ton avec lequel tu as lu, c'était pas comme ça. Mais vous restez. Tu vois bien, n'est-ce pas? Mais vous, restez. Vous, restez. Restez. Soulignez le mot. Restez. Après, vous allez sauter les mots qui viennent après rester. Vous allez trouver encore un autre mot. Jusqu'à. Vous avez vu ça? Ok, maintenant. Révisons encore la fois. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, tu vois, vous avez ce qui est écrit, n'est-ce pas? Restez dans la ville jusqu'à... C'est que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si et seulement si les chrétiens d'aujourd'hui pouvaient entendre cet ordre-ci. La solution de ces choses-ci, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus remède. Il n'y a pas de remède. Donc, le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Le Saint-Esprit, c'est la solution contre le péché. Il n'y a pas de magie. C'est ce qui a été prouvé par Dieu contre le péché. C'est parce que c'est dans le Saint-Esprit que se trouvent toutes les autres choses. La vie éternelle, n'importe quoi que vous citez, l'espérance, la foi, tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit, c'est lui. Vous êtes témoin de ces choses-là, mais vous restez jusqu'à. Si vous écoutez la voix de Dieu et que vous dites que vous voulez travailler avec lui et que vous êtes d'accord que l'église souffre, restez jusqu'à. Restez jusqu'à. C'est la solution contre le péché. Si il n'y a pas cette solution-là, on va continuer à se battre. Dans cette solution se trouve la victoire contre le péché. Dans le respect de l'ordre de rester. En anglais, on dit tarry until. En anglais, on dit tarry until. Restez jusqu'à. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. La suite dit quoi? Après? Revêtus de la puissance d'en haut. Oui. Il est conduit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Voilà. Frère, c'est une bénédiction que d'être dans la tente du Seigneur. C'est une bénédiction que de savoir que lorsque cette puissance d'en haut, je veux que vous sachiez une chose, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il faut que ça soit clair. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui va venir sur vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient, c'est Christ qui vient habiter en vous. Et alors là, la puissance, sa puissance est donc disponible. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ne travaillons pas avec Christ en dehors, lui en dehors. On commence à dire que toi, que Christ fait. Il veut faire son tabernacle, résider. Comme ça, il peut faire l'œuvre maintenant au travers de nous. Mais il y a un ordre. Restez jusqu'à. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes des apôtres. Le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Dieu ne nous a pas envoyé de nous battre contre le péché, non, parce que la solution a été déjà donnée à la croix. Il ne nous a pas envoyé de nous battre contre le péché. Dieu n'a pas ordonné qu'on se batte contre le péché. Enfin, vous luttez contre le péché, vous êtes en train de lutter avec un être invisible. Laisse-le maintenant, mon frère, laisse-le avec ces choses-là sur lui. Mais aie un regard sur lui, d'accord? Le Saint-Esprit ne nous a pas, le Seigneur ne nous a pas donné de nous battre contre le péché. Parce qu'il a déjà obtenu la victoire. Maintenant, pour que cette victoire-là soit effective pour nous, notez le livre des Romains, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Notez cela, Dieu voulant, si on va y entrer là-dedans. Le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Vous voulez arrêter le péché, la solution, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Vous voulez arrêter de pécher, restez dans la vie. Restez jusqu'à ce que. Actes chapitre 1, vous y êtes. Actes chapitre 1. À partir du verset 4, regardons, on va lire le verset 4 au verset 8. Vous avez remarqué qu'en réalité, tout à l'heure nous avons lu Luc chapitre 24. C'est Luc également qui a écrit ces Actes des Apôtres. C'est le même qui écrit Actes des Apôtres. Le verset 4, il dit comme il était avec eux, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner. N'est-ce pas, frère? Ne vous éloignez pas. C'est quand même curieux que dans le monde, lorsqu'on attend quelque chose de merveilleux, on fait tout et tout pour se donner les moyens d'attendre jusqu'à ce que ça arrive. C'est quand même terrible que dans le monde, lorsqu'on attend quelque chose de merveilleux, on se donne les moyens pour l'obtenir. Mais la chose dont notre vie en dépend, notre vie présente en dépend, c'est quelque chose que si tu obtiens, ou bien quelqu'un que si tu l'as, il n'y aura plus rien sur la terre qui puisse te faire obstacle. Il n'y a rien qui puisse te faire obstacle. Allons-y, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, oui, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, c'est ce que Luc avait dit en d'autres mots, c'est qu'il a déjà dit tout à l'heure que nous avons lu dans Luc chapitre 24. Il a dit que, mais vous restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est Luc restitue la parole du Seigneur Jésus-Christ là-bas maintenant. Maintenant, il a dit de faire en écrivain. Il expliquait ce qui s'est passé. Par la suite, il va laisser le Seigneur Jésus-Christ parler encore. Pas vrai, frère? Mais allons-y. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau. Oui. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je veux que vous me donnez la longueur de peu de jours. La longueur de peu de jours, c'est quand? C'est 10 jours. Okay. Donc, comme tu dis, on s'en dit que c'est dans 10 jours que ça va arriver pour nous, alors frère. Non, je n'ai pas dit que. Je n'ai pas dit, donnez-moi la longueur de peu de jours pour eux. Il m'a dit, donner la longueur de peu de jours. Pour eux, justement, c'était pour que le signe de la liberté, Pentecôte, c'est-à-dire que le jubilé puisse s'accomplir. Il a dit, mais vous, dans peu de jours. Mais l'ordre qui leur a été donné, c'est de rester jusqu'à. Quand ils sont restés un jour, deux jours, quelque chose s'est passé. Allons-y, continuons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Arrêtons-nous ici. Vous voyez effectivement que chaque fois, l'homme laisse ce qui ne le concerne pas pour se focaliser sur ce qui ne le concerne pas. Il laisse ce qui le concerne, qui est censé le concerner, pour se focaliser sur ce qui ne le concerne pas. Le Seigneur Jésus dit ici que ne vous éloignez pas de la vie lorsque vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et il s'en est laissé concerner sur le royaume d'Israël. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis, tournons-nous vers ce qui nous concerne. Il nous est dit de rester, d'attendre la promesse. Focalisons notre attention là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est ce que je veux dire. C'est la solution là-bas. S'il y a n'importe quel mal, on nous malmène, on malmène les gens, on malmène l'église, mais c'est à cause de ça. Ah, où est votre Jésus? Le musulman dit, où est ton Jésus? Attends seulement. Que le chrétien qui a entendu ces choses-ci rentre de l'autre côté là-bas et prend lui et revenu. Il va te montrer où se trouve ce Jésus-là. Parce que lorsqu'il est là, il ponctue Jésus. Il montre Jésus. Il dit qu'il me glorifiera. Il a dit ça. Il dit quand il, dans ce Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, où il a passé le temps à parler du Saint-Esprit. Il dit lorsqu'il sera venu, il me glorifiera. Il a dit ça, frère. Amen. Comment vous voulez que Jésus-Christ rende gloire à son nom sans le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui doit devoir témoigner du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on peut avoir des miracles fabriqués aujourd'hui. On essaie de dire que c'est Jésus-Christ qui a fait cela. Pourtant, quand lui fait ses miracles, c'est palpable et c'est clair. Alors ici, la Bible déclare qu'il leur dit, car Jean a baptisé du baptême d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça ne veut pas nous réjouir ici, frère. Il s'est encore dit, mais ok, et Israël, tu vas faire comment avec le royaume d'Israël? C'est le problème là-bas. Hein? Le Seigneur qui le rappelle à l'ordre. Il continue en disant, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment où le Père a fixé sa propre autorité. Il revient encore sur ce qu'il est en train de leur dire, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Verset 8 de l'ambiance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous remarquez bien ce qu'il a dit. Le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance. Donc la puissance sera là uniquement après que le Saint-Esprit soit venu. Pourquoi le Seigneur Jésus disait ceci? 1. Parce qu'il savait que l'homme était assujetti au péché et l'homme n'a aucune puissance pour lutter contre le péché. Il fallait que le symbole de la liberté vienne. Le symbole de l'affranchissement du Saint-Esprit. Ça vient pour le libérer, pour proclamer la liberté. Il fallait qu'il soit là. Ça, c'est un. De deux, il leur avait dit dans le livre des Jean, chapitre 17, lorsqu'il donnait la prière pour rapport aux disciples, il a dit au Père que quand j'étais dans le monde, je les gardais. Maintenant, je m'en vais, ils sont dans le monde. Préserve, je ne te prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais que tu les préserves du mal. Donc, et le Seigneur a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Au chapitre 14, verset 30, il a dit que je m'en vais le prince de ce monde s'il revient. Donc, il savait qu'il avait laissé ses disciples dans un territoire ennemi. Et il fallait qu'un autre, celui qu'il appelait le consolateur. Il fallait un autre. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Vous voyez ça, frère? Il faut que Christ fasse son tabernacle en nous. S'il fait son tabernacle en nous, on dit donc l'espérance de la gloire. On peut commencer à expérimenter même de la gloire. Alors, le Saint-Esprit est la solution pour le péché. Et justement, le péché est ce qui entre en conflit avec le Seigneur. Parce que continuant à vivre dans le péché, ça veut dire que le sacrifice de Christ n'a pas été suffisant. Or, le sacrifice de Christ a été doté le péché afin qu'il tabernacle en nous. La mort sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ a été afin que d'expier le péché. Expier le péché, ça veut dire que permettre désormais à Dieu de rencontrer l'homme au lieu où il avait pour vous. Donc le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nos péchés devrait nous suffire pour nous débarrasser des obstacles et donc entrer dans la promesse. Mais la réalité est tout autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ces choses-ci. Il dit, mais vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc, le Saint-Esprit n'est pas la puissance. La puissance est donnée. C'est le Saint-Esprit qui octroie la puissance. Ça veut dire que nous n'avons pas de capacité ni de puissance par nous-mêmes. Tout genre de récitation qu'on fera au nom de Jésus, ça ne marchera pas tant qu'il ne t'amènera pas là-bas. On va avoir des maux de tête. Alors, ce que je vais dire, c'est que le Saint-Esprit vient comme ça. Parce que le Saint-Esprit savait qu'on était en territoire ennemi. Et il savait que le combat n'est pas intellectuel. Même si tu fais n'importe quel truc, vous voyez les intellectuels qui se livrent dans le péché, qui sont esclaves du péché. En fait, devant lui, dans Jean chapitre 8, c'était les intellectuels qui étaient devant lui. Mais il a dit que vous êtes esclaves du péché. Parce que là-bas, il n'y a pas de match. On ne vainc pas le péché par l'intellectualisme. L'intellectualisme, justement, accorde au péché le pouvoir de te vaincre dans ta incrédulité. Parce que l'intellectualisme est l'un des moyens du péché contre Dieu. Vous suivez? Donc, le Saint-Esprit est la solution contre le péché que Dieu a pourvu. Il n'y a pas deux. Le sang du Seigneur a été suffisant pour briser son emprise. Pour briser son emprise. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a été suffisant pour briser son emprise. Son emprise a été brisée. Il faut maintenant, souvenez-vous, Luc, prenons le livre de Luc. Quelqu'un peut me donner une Bible là-dedans? Merci. Luc chapitre 1. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Luc chapitre 1. Vous y êtes? Maintenant, regardez. Je vais lire à partir du verset 67. Et puis vous allez suivre. J'ai tenté de dire que le sang du Seigneur Jésus-Christ a brisé le péché. Maintenant, nous avons accès à quelque chose. Suivez attentivement maintenant. Ici, c'est le cantique de Zacharie, d'accord? On va lire à partir du verset 67. Suivez attentivement. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. On dit, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. On dit que ce qui va sortir là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Ça n'a rien à voir avec les pensées de Zacharie, n'est-ce pas, frère? Maintenant, écoutez attentivement. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, virgule, vous regardez, visité un, et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il en a dit ceci, alors qu'il n'est même pas au courant que, physiquement, que Jésus-Christ est né. Et ici, il n'est pas en train de parler de Jean-Baptiste, son fils. Le Saint-Esprit vient sur lui. Je vous le dis, le Saint-Esprit, il est censé glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il a visité et racheté son peuple. Frère, c'est merveilleux tout simplement. Donc pour lui, c'est accompli. Amen. Pour le Saint-Esprit, c'est accompli. Pourtant, l'enfant Jésus devrait naître quelques mois plus tard. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il devrait naître quelques mois plus tard. Mais pour Dieu, le Saint-Esprit parle comme si c'était accompli. Parce que le but pour lequel le Saint-Esprit vient, c'est pour racheter. Il dit que béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté. Donc il a déjà fait, alors qu'il est encore bébé. Alors que le rachat va se passer à la croix. Suivez attentivement. Et nous a suscité, verset 69, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Écoutez bien la sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, donc ça veut dire que le serment, il avait fait un serment à Abraham, voici le serment, de nous permettre, virgule, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen, amen, amen, amen. Vous avez vu cela? Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ avait un but. De nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Qui est l'ennemi de l'humanité, c'est le péché. L'ennemi. Donc le Seigneur Jésus-Christ, ouais, je vous ai dit qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans en être. Vous avez vu ça, non? On va le servir uniquement après quoi? La délivrance. Et de nous permettre de le servir après, c'est après la délivrance. S'il n'y a pas la délivrance, oubliez. Et il parle de le servir sans crainte. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un esprit de culpabilité quelque part. C'est pour cela que j'étais en train de dire tout à l'heure que le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Le sang du Seigneur Jésus-Christ nous a enlevé de son emprise. Mais maintenant, il faut qu'il fasse son tabernacle. S'il fait son tabernacle, tu peux servir maintenant, sachant qu'il est en train de le servir selon sa voix. Il a parlé d'avoir dans un esprit de sainteté, de justice, de droiture. C'est uniquement après cela. C'est ce qui est prévu dans le plan de Dieu. Le but que le sang de Christ est versé pour payer le prix. Maintenant, on est délivré de cela. Quand on est délivré maintenant, le tabernacle du Saint-Esprit puisse être maintenant nettoyé. Donc, pour vraiment servir Dieu, il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Vous pouvez lire la Bible. On a déjà vu ici les réalités non encore réelles, n'est-ce pas? Vous pouvez confesser dans Colossiens chapitre 1, verset 12 que. Que rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capable d'avoir par éteint des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Quand tu vas finir de lire, ça pose la question: est-ce vrai pour moi? Si c'est non, il te faut la délivrance. C'est aussi simple que possible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Vous n'êtes pas avec moi, hein? Vous n'êtes plus, même maintenant, vous n'êtes pas content. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. C'est côté fort là-bas. Si quelqu'un a créé une nouvelle, vous vous réveillez maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voici. On vous dit maintenant, maintenant, là, là, là, là. Toutes choses sont devenues nouvelles. Après avoir lu cela, ça c'est. On a dit quelqu'un, on n'a pas mis ton nom là-bas. On a dit quel. Ok. Si tu respectes les conditions qui sont écrites là-bas, alors c'est aussi vrai pour. Si c'est pas le condition, si c'est pas ça, il te faut la délivrance. Parce qu'un sataniste prend ça, il dit, si quelqu'un a créé une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Parce que hein, le test pour savoir que tu es à l'intérieur, c'est les choses anciennes, oui ou non, sont-elles passées pour toi? La réponse doit être donnée. Et ici, il faut qu'on passe avec la droiture. Donc, c'est-à-dire, ne nous trompons pas nous-mêmes. Si ce n'est pas vrai, on fait quoi? On dépose la Bible, on dit, Seigneur, je veux être délivré. Je veux être délivré. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je vous dis chaque fois, prenez un billet de 100$. Prenez le CFA. Ou bien prenez un billet de 100$. Vous allez donner aux hommes qui échangent, font ce qu'on appelle la conversion, ils convertissent l'argent. Vous donnez un billet de 100$ ou bien 20$. On vous donne un CFA. Vous avez quoi entre vos mains? Le dollar que vous avez donné à quelqu'un. On vous a donné quoi? Le franc CFA. Donc, vous êtes toujours dans la monnaie. Mais quand vous recevez l'un, les propriétés de l'une ne se retrouvent plus dans l'autre. Les propriétés de l'une, les dessins qu'il y a sur un ne se retrouvent pas dans l'autre. Eh bien, dans ce cas, comment on peut être cet target d'être une nouvelle créature? On est en train d'entraîner les choses de l'ancienne créature. Il y a un problème. Il faut qu'on admette ça. Observez, nous avons lu ici dans ce livre des Jean, Actes des Apôtres, chapitre 1. N'est-ce pas? Il a dit, mais vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, on ne pourra être témoin qu'après que le Saint-Esprit soit survenu sur nous pour nous octroyer la puissance de témoigner. Aujourd'hui, on a créé théologiquement ce qu'on appelait la grande commission. C'est grande comment? Dit que c'est la mission principale des dieux. Oui, c'est la mission principale des mains. Dis à ton voisin, mais. C'est ici que les mains est vraiment bien. C'est-à-dire que comme les gens disent souvent que oui, frère Junior, tu dis vrai. Mais. C'est ici donc que mais devrait vraiment être. C'est-à-dire que oui, c'est la grande commission. Mais il a dit d'attendre jusqu'à ce que. Pas vrai? N'a-t-il pas dit attendez jusqu'à ce que. C'est ça, non? Il a dit mais attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Parce que dans cette commission-là, c'est tout le combat. On va confronter les puissances des ténèbres. Pour déloger une puissance, une âme de la puissance des ténèbres vers la lumière, on ne fait pas ça par bavardage. Il faut que l'esprit, la puissance de la résurrection se manifeste. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans tous les morts, il faut que ça te couvre pour que tu puisses le faire. Vous suivez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, lorsque vous lisez la Bible de la bonne façon, vous voyez effectivement que pour que tu puisses servir Dieu, il faut être délivré. Remarquez donc ceux dans ces gens. Remarquez donc dans ce acte des apôtres, chapitre 1, à qui ça t'est adressé et qu'ils étaient en train de se tourmenter par rapport au royaume terrestre qui doit être établi en Israël. Le Seigneur dit que ce n'est pas votre moment, c'est pas votre, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est ce revêtement de la puissance. Donc, attelez-vous-y. Et lorsque le Seigneur a réitéré cela deux fois, par deux fois, la Bible déclare que quand ils sont rentrés dans le temple, à Jérusalem, au chapitre 1, là toujours, verset 14, la Bible déclare qu'ils étaient d'un commun accord, persévérer dans la prière. C'est ça, frère? L'Église a besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est la solution pour nettoyer l'Église du péché. Et c'est devant nous. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. Un peuple sanctifié va bientôt être révélé. Le Saint-Esprit va bientôt montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Pas de façon littérale. Mais vous saurez que Jean 14, verset 12 dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera davantage. D'accord, frère? En ces temps-là, vous comprendrez ce que Jean chapitre 15, le verset 7 et autres, verset 23, verset 24 disent. En ces temps-là, je ne dis pas que vous répondrez, car le Père vous connaît. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Vous saurez que quand on va appeler Jésus, il viendra sur la scène. Parce qu'il est au milieu de son peuple. Alors vous allez entendre silence. C'est Dieu dans son Saint-Temple. Ça arrive devant nous. Donc si quelqu'un ne veut pas le servir, qu'il quitte doucement, il rentre dans le monde pour venir le confronter plus tard. Comme mon grand frère a dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. N'essayez pas d'être devant le Seigneur pour essayer de faire contre son œuvre. Si vous savez que vous ne pouvez pas le servir, rentrez tranquillement dans le monde, à la place dont il faut. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez de mes témoins. Aujourd'hui, vous dites, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. On dit que, sors, tu ne peux pas témoigner. Tu ne peux pas témoigner quoi? Tu vas où? Et si tu entres chez quelqu'un, que c'est un résurrectien, ceux qui lancent des sons, te lancent des sons, tu vas dire quoi? Et beaucoup des esprits comme ça ont été traversés comme ça, ont déporté comme ça à l'extérieur. Que je m'en vais comme ça évangéliser. Qui t'a envoyé? Que non, j'ai un feu, il veut que les gens soient sauvés. Tu es devenu Dieu maintenant. Tu connais la grande commission plus que la personne qui a initié cela. Lui, il a dit aux gens que d'attendre. Toi, tu dis non, toi, tu n'as pas vu attendre jusqu'à ce que soit revêtu. Tu as seulement vu que aller. Il a dit aller, mais il a dit attendez d'abord. Oui, aller là, c'est un ordre futuriste. Mais avant que tu ne respectes cet ordre-là, il faut d'abord attendre jusqu'à ce que tu sois revêtu, que tu sois incorporé dans la place où tu vas retrouver ce que tu as à faire avant d'avancer. Le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Le sang de Jésus-Christ a parlé en notre faveur, a réglé le problème du péché effectivement. pour que ça soit vrai pour nous, il faut que le Saint-Esprit nous donne de façon solennelle la victoire sur le péché. Dieu ne nous a pas demandé de nous battre contre le péché parce qu'il a déjà vaincu le péché. Il a réglé le problème du péché à la croix par le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a enlevé le péché du monde. Pas vrai, frère? Mais maintenant, les gens pèsent-ils toujours? Hein? On avait dit de lui que voilà l'agneau de Dieu qui? Il l'a vraiment ôté. Mais voilà ça qui sévit toujours. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut le cacher du Saint-Esprit pour rendre ça effectif. Ah non, non, Christ a payé pour tous nos péchés. Mais on vit dans le péché. Tite. Tite chapitre 3. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous y êtes? Si chapitre 3, viens à partir du verset 1. Suivez très attentivement. Regardez. Rappelle-leur d'être soumis. Tout le monde y est. Le frère Sac du mal, il est dans trois gens là. Continue comme ça. Tu vas t'en sortir aujourd'hui là. Tu ne peux pas t'en sortir à ce rythme là. Je te rassure. Avance par là encore. Après Hébreu. Après Hébreu, continue. Voilà. Chapitre 3, ça va, n'est-ce pas? Chapitre 3 de Tite. Il vient de la partie du verset 1. Rappelle d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est quoi pour Tani? Tu n'as pas dit dans ton livre, pour Tani? C'est quoi le problème alors? Masso. Ne fais pas qu'il parle à Masso là. Ancien, bon non, je ne parle pas. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Suivez attentivement. De ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. J'arrive là, suivez attentivement. Car nous aussi, regardez bien, la personne qui dit chaque fois nous, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que, vous voyez, et il dit car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Vous voyez ça? La personne qui en a parlé ici dit qu'autrefois il était comme ça. Donc frère, quelque chose s'est passé. Il dit asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Et vous entendez les chrétiens dire que j'ai envie de faire quelque chose. Il ne sait pas que l'envie est un péché. J'ai envie de. Regardez, et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Écoutez bien. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il a fait cela par le baptême de la régénération et l'eau. Renouvellement du Saint-Esprit. Quand ceci est réalisé, on dit donc que tu es une nouvelle créature. Tu peux donc parler que j'étais comme ça. J'étais comme ça. Vous voyez cela? Il dit que nous étions aussi comme ça là. Nous haïssant les uns les autres. Dignes d'être haïs. Alors maintenant, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, écoutez bien, justifié par sa grâce. Voilà l'œuvre de la rédemption. Justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous y êtes? Que Dieu vous bénisse. Alors, une œuvre doit être faite en nous. Pour nous certifier que nous avons quitté vraiment d'une étape à une autre. Ouvrez Éphésiens chapitre 2. Éphésiens. Le Saint-Esprit est la solution contre le péché. Le sang de Jésus-Christ nous a racheté de nos vaines manières de vivre. Tu es justifié, la Bible déclare là, qu'il va répandre sur nous. Ce Saint-Esprit-là pour le renouvellement. Et Éphésiens chapitre 2. Allons-y, va-t'en, verset 1. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Allons-y doucement là, ça va, on va s'arrêter d'abord là-bas. Il dit, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Ceux à qui il a de s'adresser à des personnes qui sont maintenant vivantes. Parce qu'il dit, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Stop. Donc, ça veut dire que ces personnes sont nées. Il dit que vous étiez, donc quand vous marchez dans ces choses-là, vous étiez quoi? Mort. Voilà. Il dit dans lesquelles vous marchiez autrefois. Donc quand il en a parlé, ces personnes-ci. Dans lesquelles vous marchiez autrefois, donc maintenant on ne marche plus. Donc quelque chose s'est passé. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde-ci. Virgule. Selon le prince de la puissance de l'air. Oui. De l'esprit qui agit maintenant. Stop. Cet esprit agit quand? Maintenant. Voilà pourquoi il faut le Saint-Esprit. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Parmi lesquels? Non, on était aussi à l'intérieur, n'est-ce pas? Il dit, nous étions de l'air. Lisons. Nous tous aussi. Oui. Nous étions de leur nombre. Stop. Donc, à l'instant, on est en train de parler. À l'instant, il est en train de parler. Nous sommes plus. Voilà. Le nous là. Ce n'est pas le nous de maintenant. Nous. Il dit, le nous à qui il est en train de parler là. Le nous là ne marche plus de leur nombre. Donc, ça veut dire que si je lis cela et que je suis en train de marcher dans ce que les autres qui marchaient ne marchent plus, je ne suis pas du nombre de nous maintenant, je suis du nombre de ceux qui sont encore morts. C'est pour ça qu'il dit, le Saint-Esprit est la solution du péché. Contre le péché. Allons-y, c'est pas fini. Nous étions aussi de leur nombre. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère. Oui. Comme les autres. Mais Dieu. Stop. Donc il y a une œuvre qui s'est passée. Alors ceci donc, on peut leur dire qu'ils sont une nouvelle créature. Fermons les Bibles, frère. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous bagarrerez toujours contre le péché. C'est le Saint-Esprit qui peut mettre un voile entre toi et le péché. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut fermer tes yeux pour que tu regardes l'autre sans péché. C'est le Saint-Esprit. Sinon, tu vas dire que mais tu as la vie, tu fermes les yeux. Quand tu appuies bien tes yeux encore sur l'image s'agrandit. Ton rectum punctum maintenant va venir au niveau du punctum proximum. Alors, vous devez savoir que la solution contre le péché, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Mais vous recevrez. Donc c'est une promesse. C'est la promesse. Mais vous recevrez. Vous recevrez. On a quelque chose. Restez jusqu'à. Voilà. Il dit vous recevrez. Vous recevrez. Mais restez jusqu'à. Que le Seigneur vous bénisse. Mais où est la voix? Pour moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Seigneur Jésus, 40.